Take me higher. Take me higher. Oh yeah. Cette semaine j'en ai bavé. Je m'alimente mais j'ai l'esprit chargé. Je suis tellement épuisé que je sens que la nuit sera agitée. Agité pour agiter. Allô baby, ce soir allons kiffer. J'ai pas besoin de te briefer. On tombe toujours d'accord, c'est validé. Tu m'attends au pas de la porte, à travers laquelle je sens l'appel de ton corps. Je